The book of Acts, chapter 2, precious people. Le livre des Actes, chapitre 2, Jean précieux. Verse 7. Le verset 7. Utterly amazed, they asked. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres. Are not all these men who are speaking Galileans? Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Then how is it that each of us hears them in his own native language? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthians, Parthes, Medes, Mèdes, and Elamites, Elamites, residents of Mesopotamia, ceux qui habitent la Mésopotamie, Judea, la Judée, and Cappadocia, la Cappadoce, Pontus and Asia, le Pont, l'Asie, Phrygia, la Phrygie, Pamphylia, la Pamphylie, Egypt, l'Égypte, parts of Libya near Cyrene, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, visitors from Rome, et ceux qui sont venus de Rome, both Jews and converts to Judaism, juifs et prosélytes, Cretans and Arabs, Crétois et Arabes, we hear them declaring the wonders of God in our own tongues. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? So what is this that the Lord decreed from his own throne? Alors, qu'est-ce que le Seigneur décrétait de son propre trône? About the spiritual roadmap. À propos de la carte routière spirituelle. That the Lord laid forth in Revelation chapter 6. Que le Seigneur a présenté dans Apocalypse chapitre 6. When he released the rider of the black horse. Quand il a relâché le cavalier du cheval noir. And in that discourse, in that conversation with men. Et dans ce discours, dans cette conversation avec les hommes, he was commanding, il commandait that for all those that will see the wedding feast of the Lamb, que pour tous ceux qui verront le festin de l'agneau, this is the roadmap. C'est la carte routière. And then in the process, et ensuite, dans le procédé, now we begin to understand the basic tenets. Maintenant, on commence à comprendre la tendance de base. The characteristic citizenry. La caractéristique de l'ensemble des habitants. That must be worn by those on this roadmap. Doit être revêtu par ceux-là de cette carte routière. The destruction of the old order. La destruction du vieil ordre. The descending of fire. La descente du feu. The burning of the old self, the chaff. Le fait de brûler le vieil homme, la paille, and then we have seen the witnessing. Et ensuite, nous avons vu le témoignage. But it's amazing to me, mais ça m'étonne that now, que maintenant, in those walking this roadmap, dans ceux qui marchent dans cette carte routière, at this hour in the church, dans cette heure dans l'église, celebrating the oil and the wine, célébrant l'huile et le vin, which I call the preservative of salvation, que j'appelle la préservation du salut. The only things that can preserve your salvation unto the end. La seule chose qui peut préserver votre salut jusqu'à la fin. As you walk, comme vous marchez, you must resound and resonate one thing. Vous devez retenir et raisonner une chose. You must cause the unborn again to be bewildered and stunned at you. Vous devez provoquer les non-nés de nouveau à être abasourdis et stupéfaits de vous. Ils doivent être choqués quand ils vous regardent. When they look at you, they must panic. Quand ils vous regardent, ils doivent avoir peur. And bewildered and scratch their hairs off their head. Être abasourdis et arracher leurs cheveux de leur tête. You see, in the book of Acts, they say, and they were bewildered also. They heard the sound, and when they came, they were in bewilderment. Vous voyez, dans le livre des Actes, ils ont dit, et ils étaient confondus aussi. Ils ont entendu le bruit, et quand ils sont venus, ils étaient dans la confusion. Why were they bewildered? Pourquoi est-ce qu'ils étaient confus? Because they were shocked that when the church, the visited church was now speaking. Parce qu'ils étaient choqués de ce que l'église visitée était maintenant en train de parler. Which means worshiping. Ce qui signifie adorant. They could now be able to understand that worship. Ils pouvaient maintenant être capables d'entendre, de comprendre cette adoration. But that worship, even as much as they were understanding it. Mais cette adoration, même qu'ils étaient capables de le comprendre, drew bewilderment. A provoqué de la confusion. Shock and stun. Secoué et abasourdi. Why did that happen? Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Because they realized. Parce qu'ils ont réalisé that not only were they able to perceive what was being transduced, what was being spoken in that high worship. Que non seulement ils étaient capables de percevoir ce qui était dit dans cette haute adoration, but they were also able to now understand the undertones, the underpinnings of that worship. Mais maintenant, ils étaient aussi capables de comprendre la profonde signification de cette adoration. That the underlying factor of that worship, le facteur sous-jacent de cette adoration, is that they were declaring the wonders of God. C'est qu'ils étaient en train de déclarer les merveilles de Dieu. The wonders that God had done. Les merveilles que Dieu a faites. So when you look at the requirement in this roadmap that the Lord has laid in Revelation 6. Alors, quand vous regardez aux exigences de cette carte routière que le Seigneur a présentée dans Apocalypse 6, then you see that the highness of the high worship, alors vous voyez la hauteur de la haute adoration that causes the jealousy of God to protect the oil and the wine church, qui provoque la jalousie de Dieu de protéger l'église de l'huile et du vin. Is the fact that this church actually is declaring the wonders of God. C'est le fait que cette église déclare les merveilles de Dieu. So now you begin to understand the true definition of evangelism. Alors maintenant, vous commencez à comprendre la vraie définition de l'évangélisation. Especially in this Revelation 6 church. Et spécialement cette église de Apocalypse 6. Especially in this last hour church. Et spécialement cette église de la dernière heure. That in whatever you do, que quoi que ce soit que vous faites, your worship, vous êtes en train d'adorer, must be defined by the declaration, doit être défini par la déclaration of the wonders of God, des merveilles de Dieu. Now look at it this way. Maintenant, regarde à ceci de cette manière. That is what bewildered the God-fearing people by the fence. C'est l'abasourdissement de ceux qui craignent Dieu et qui sont de l'autre côté de la barrière. That is what will make the nations that are not yet born again bewildered. C'est ce qui va amener les nations qui ne sont pas nées de nouveau d'être abasourdies. Let me give an example here. Laissez-moi donner un exemple ici. If you tune on this radio, si vous réglez cette radio, you always hear about the wonders of God that are happening, that perpetually happen, some of them unfolding. Vous allez toujours entendre à propos des merveilles de Dieu qui se sont passées, quelques-unes en train de se dérouler. Those are the wonders of God. Ce sont les merveilles de Dieu that will bewilder the nations, qui vont abasourdir les nations and startle them and cause them to gather and be drawn now towards this Revelation chapter 6 church. Les alarmer et provoquer leur rassemblement pour les attirer maintenant vers l'église de l'Apocalypse chapitre 6. And ask, et demander, are these who are speaking not Galileans? Est-ce que ceux-là ne parlent pas comme des Galiléens? Are these people speaking? Are they not Kenyans I know here every day here? Est-ce que ces gens qui parlent ne sont-ils pas Kenyans? Je les connais ici, chaque jour ici. And why is it that now I hear them and I hear them so well? Et pourquoi est-ce que maintenant je les entends et je les entends si bien? And when I hear them, I'm shocked because they are declaring the wonders of God. Et quand je les entends, je suis choqué parce qu'ils déclarent les merveilles de Dieu. So you understand the bewilderment that the Lord is speaking about? Alors, vous comprenez que l'abasourdissement à propos de laquelle le Seigneur parle, that ought to have been spurred, generated from the church to the world today, doit être déclenché, généré par l'Église au monde aujourd'hui. But that kind of bewilderment, mais cette sorte d'abasourdissement, arising from these wonders, survenant de ces merveilles, can only be the work of the oil and the wine. Peut seul être l'œuvre de l'huile et du vin. To be more specific here, le plus spécifique ici, that is the manifestation of the power will be given unto you. C'est la manifestation du pouvoir qui va vous être donné. That you may be my witnesses in Jerusalem. Pour que vous puissiez être mes témoins à Jérusalem. In Samaria, all over Samaria and throughout Judea. Et en Samarie, dans toute la Samarie et à travers la Judée. Even unto the ends of the world. Et même jusqu'au bout du monde. Look, just a moment. Regardez. Juste un moment. You cannot be a witness unto the Lord except that you know him so well that you are now with him, walking with him, and you can be called to speak for him. Vous ne pouvez pas être un témoin du Seigneur, sauf si vous le connaissez si bien que maintenant vous marchez avec lui et que vous pouvez être appelé pour parler pour lui. When Jesus walked the earth, the blind saw. Quand Jésus a marché sur terre, les aveugles ont vu. And that's why when the oil and the wine now becomes realized, et c'est pourquoi l'huile et le vin s'est réalisé in this dispensational church, dans cette dispensation de l'Église. Then you see their eyes open. People were born blind. Et vous voyez les yeux ouverts des gens qui étaient nés aveugles. You see many cripples walking and many deaf hearing. Vous voyez plusieurs personnes marchant et beaucoup de sourds entendant. So now you become the real witnesses of Christ unto the ends of the earth. Et maintenant, vous devenez les réels témoins de Christ jusqu'au bout de la terre. That church of Revelation 6. Cette église de l'Apocalypse 6. That is able to spur up the bewilderment of the nations. Qui est en mesure de provoquer l'abasourdissement des nations. By regenerating, reactivating the same blind people that Jesus healed, being healed in this hour. En régénérant, réactivant les mêmes gens aveugles que Jésus guérit, étant guéris à cette heure. Generating the hearing of the deaf. Générant l'ouïe des sourds. Generating the dissolving of tumors. Générant la dissolution des tumeurs. The speaking of the mute, le parler des muets. By the power that is from on high, par le pouvoir qui est d'en haut. That church, cette église. That is now the church that can be witness unto the Lord from Jerusalem. C'est maintenant l'église qui peut témoigner du Seigneur à Jérusalem. Into all Samaria. Dans toute la Samarie. Throughout Judea. Et à travers la Judée. Even unto China. Même en Chine. United States, aux États-Unis, Australia, en Australie, Chile, au Chili, Argentina, Brazil, en Argentine, au Brésil, all the way to Greenland, tout le chemin jusqu'au Groenland, ends of the earth. Jusqu'à la fin, jusqu'au bout du monde. So you begin to understand what the Lord was speaking when he raised the black horse. Alors, vous commencez à comprendre de quoi le Seigneur était en train de parler quand il a libéré le cheval noir. It was not a simple conversation. Ce n'était pas une simple conversation. It was the unifying conversation. C'est une ample conversation. You see the completeness of the Bible now at this place. Vous voyez combien la Bible est complète à cet endroit. That the visitation during Pentecost, the first visitation, que la visitation durant Pentecôte, la première visitation, in fact, it was bespeaking the final visitation. En fait, il était en train de parler de la visitation finale. Only that the magnitude would then be higher to that mirror image of the first visitation. Seule l'ampleur va être plus haute que cette image miroir de cette première visitation. It would still maintain every signature approval of the first visitation. Ça aurait encore maintenu toute signature approuvée de la première visitation. Signature fingerprint really of the first visitation. Signature du doigt imprimé réellement de la première visitation. But the magnitude would totally blow people's minds off, you know. Mais l'ampleur soufflera totalement la pensée des gens. The magnitude would be very incomprehensible. L'ampleur sera très incompréhensible. Every day miracles are being announced on this radio. Chaque jour, des miracles sont annoncés à cette radio. But what is the other thing within this roadmap in the Revelation chapter sixth church. Mais quelle est l'autre chose dans cette carte routière, dans l'église de l'Apocalypse, chapitre 6? You see very clearly, vous voyez très clairement that the oil and wine church that the Lord celebrates in Revelation 6, que l'église de l'huile et du vin qui est célébrée dans Apocalypse 6, at this dark hour, à cette heure sombre, she is supposed to come out, elle est supposée sortir, this dark hour of so much pressure, cette heure sombre de tellement de pression, and be the light of the world, et soyez la lumière du monde. Oh, I just said a big thing. J'ai juste dit une grande chose. How would she be that priestly bride of Revelation 6? How would she be the light of the world at this hour? Comment pourrait-elle être l'épouse sacerdotale de l'Apocalypse chapitre 6, la lumière du monde à cette heure? How would she be that light? Comment pourrait-elle être cette lumière? Oh, there's so much pressure. Mais il y a tellement de pression. Many churches are being closed down and being bought by bar owners. Beaucoup d'églises ont été fermées et étaient achetées par des propriétaires de bars. There is so much despondency. Il y a tellement de mal. Backsliding is the order of the day in the house. Récidiver est l'ordre du jour dans la maison. You cannot even have enough quorum in your church. Vous ne pouvez pas avoir assez de membres dans l'église. I remember a young man met me in Nairobi. Je me souviens d'un jeune homme que j'ai rencontré à Nairobi. And he told me, "Look, man of God, I appreciate what you're doing." Il m'a dit, "Regardez, homme de Dieu, j'apprécie ce que vous faites." But pray for us because this weekend we're celebrating 1 year's anniversary in our church. Mais priez pour nous parce que ce week-end nous célébrons 1 an d'anniversaire dans notre église. I asked him, how has been the 1 year? How has been the going? Et je lui ai demandé comment a été cette année, comment ça s'est passé. He said, if you look at where we started from, God has really built us. Si vous regardez comment nous avons commencé, Dieu nous a vraiment bâti. Slowly, slowly, until now we have 40 people in the church. Lentement, lentement, nous avons maintenant 40 personnes dans l'église. And so I looked at him. Et alors, je l'ai regardé. And I told him, son. Et je lui ai dit, fils. There is a huge harvest going on right now. Il y a une gigantesque moisson en ce moment. He's no longer the God of 1, 2, 3, 4 here. Il n'est plus le Dieu de 1, 2, 3, 4 ici. Because time has run out. Parce que le temps passe. He wants to harvest them in the thousands. Il veut que nous les moissonnions par milliers. And so you can see essentially from that conversation between me and that young man. Et alors vous pouvez voir essentiellement dans cette conversation avec moi et ce jeune homme. The tremendous pressure that the dark world has exerted on the church. L'énorme pression que le monde de ténèbres a pratiquée sur l'église. Until she's supposed to be shrinking. Jusqu'à ce qu'elle soit supposée être en train de rétrécir. But now, mais maintenant, for the oil and the wine church that the Lord is so much fond of, pour l'église de l'huile et du vin que le Seigneur affectionne tellement, that church, cette église, her light continues to shine. Sa lumière brille continuellement. Because now we know, parce que maintenant nous savons, that when Jesus talked about the coming of the rapture, quand Jésus parlait à propos de la venue de l'enlèvement, the wedding of the lamb, les noces de l'agneau, in Matthew 25, verses 1 to 13, Matthieu 25, versets 1 à 13, he said, the fading moments of the waiting process, il a dit, le moment qui se fane du procédé d'attente, would cause the lamps of the church to go off. Ça va provoquer l'extinction des lampes de l'église. It would cause even the pastors and the sheep to be weary and tired. Ça va même provoquer que les pasteurs et les brebis vont devenir fatigués. To the extent that they would stop tending the lamps. Au point qu'ils vont arrêter de veiller sur les lampes. And it would supersede the threshold of the initial power with which they were burning the lamps. Et ça va supplanter le seuil du pouvoir initial avec lequel ils faisaient brûler leurs lampes. That what was sufficient to keep the light burning initially cannot be sufficient now. Ce qui était suffisant pour faire brûler les lampes initialement ne peut plus être suffisant maintenant. Because the Bible says, behold, nobody says Jesus is Lord except that he receives the wisdom of the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit. Parce que la Bible dit, voici, personne ne peut dire Jésus est Seigneur, sauf s'il a reçu la sagesse du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. And also, as we are going to see in Ezekiel 47, et aussi, comme nous allons voir en Ézéchiel 47, that there are different levels of that latter anointing, even from the ankle level, il y a différents niveaux de cette dernière onction, comme le niveau des chevilles, to the knee level, le niveau des genoux, to the waist and then a river, les reins et ensuite la rivière. But Jesus said, mais Jésus a dit, that when the darkness, the dark hour will have exerted maximum pressure unto the light emitted by the church. Quand les ténèbres, le sombre, aura pratiqué le maximum de pression sur la lumière émise par l'Église, then there will be the need, ensuite, il va y avoir un besoin, for the oil to refuel, pour l'huile de refaire le plein, to fuel the lamps at that hour, de remplir les lampes à cette heure. And so the witnessing, to be a witness in the Revelation chapter 6 church. Et alors le témoignage, être un témoin selon l'Église de Apocalypse chapitre 6. Now I understand it better. Maintenant je le comprends mieux. It meant that even within the darkness of that dispensation, ça signifie que même dans les ténèbres de cette dispensation, of this dispensation, de cette dispensation, that church in Revelation 6 that is oil and wine, cette église d'Apocalypse 6 qui est l'huile et le vin, would still maintain the burning of her lamp, va continuer à maintenir de faire brûler sa lampe. In other words, she would still be the light of the world. En d'autres mots, elle va encore être la lumière du monde. Which means the mirror image of Christ. Qui signifie l'image miroir de Christ. When you reach such a place, quand vous arrivez à cet endroit, when you are now still the mirror image of Christ, quand vous êtes maintenant encore l'image miroir de Christ, then you are the true witness he talked about in Acts chapter 1. Et vous êtes le vrai témoin dont il a parlé dans Actes chapitre 1. The power of that oil and wine would come and enable you to be my witnesses unto the ends of the earth. Le pouvoir de cette huile et vin va venir et vous rendre capable d'être mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. But why would the Father, let me bring you to another level. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur voudrait, laissez-moi vous amener à un autre niveau. Why would the Father be so protective of this oil and wine church in Revelation 6? Pourquoi le Père serait-il si protectif de cette église de l'huile et du vin de Apocalypse 6? One, because of Christ. Un, à cause de Christ. Because that is the bride of Christ. Parce que ça, c'est l'épouse de Christ. Because 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 18. Parce que 2 Corinthiens chapitre 6 versets 14 à 18. It says there will be no fellowship between light and darkness. Il dit, il n'y aura pas de communion entre la lumière et les ténèbres. Our Lord Jesus, he is the light of the world. Notre Seigneur Jésus est la lumière du monde. And it's very consistent with biblical scripture. Et c'est très logique dans l'écriture biblique. That the church that enters the wedding feast of the Lamb would have to be the church that is light, the light of the world. Que l'église qui entre au festin de noces de l'agneau soit l'église qui est lumière, lumière du monde. But within the befalling of the earth with darkness, mais dans la période où les ténèbres viennent sur la terre, and the dominance of darkness over the face of the earth, et la domination des ténèbres sur la face de la terre, the spiritual darkness that we are witnessing in this dispensation, les ténèbres spirituelles dont nous témoignons dans cette dispensation, then something tells me that this Revelation chapter 6 church of oil and wine, alors quelque chose me dit que cette église de l'Apocalypse chapitre 6 de l'huile et du vin is also a remnant church. C'est aussi l'église restante. Because then, you know, she's so critical. Parce qu'alors elle est si importante. And that's why the Father is so protective of her. Et c'est pourquoi le Père la protège tellement. In fact, she is a heavenly church. En fait, elle est l'église céleste. If she ceases to be protected at this hour, si elle cesse d'être protégée dans cette heure, her salvation is vulnerable to plunder of the hour. Son salut est vulnérable et capable d'être pillé dans l'heure. The manipulations of this hour. La manipulation de cette heure. That's why the Lord brings divine protection over her. C'est pourquoi le Seigneur apporte une protection divine sur elles. Because everything is so much at stake right now. Parce que toute chose est tellement risquée juste maintenant. For the honor and the glorification of our Lord Jesus. Pour l'honneur et la glorification de notre Seigneur Jésus. On the day of the rapture. Au jour de l'enlèvement. And also you see very clearly. Et aussi, vous voyez très clairement that if the Lord did not protect the oil and the wine church at Revelation chapter 6. Que si le Seigneur ne protège pas l'église de l'huile et du vin de l'Apocalypse chapitre 6, and yet she is the only light of the world right now. Et maintenant, elle est la seule lumière dans le monde, juste maintenant. Then there would be a short-circuiting of the prophetic timeline. Et ensuite, il va y avoir un court-circuit de la chronologie prophétique. A premature destruction, a premature shutdown of God's prophetic timeline. Une destruction prématurée, un arrêt prématuré de la chronologie prophétique de Dieu. Because then the whole earth would have just been covered by a full dispensation of darkness. Parce qu'ensuite, toute la terre aura été couverte par une pleine dispensation de ténèbres. But that is inconsistent with the word of God. Mais ça, c'est inconsistant avec la parole de Dieu. Because the word of God is elaborately clear. Parce que la parole de Dieu est minutieusement claire. That dispensation of total darkness on the earth. Que cette dispensation de ténèbres totales sur la terre. I'm talking about total where there is not even a single speck of light. Je parle à propos de total, où il n'y a même pas un grain de lumière. The Bible is very clear. La Bible est très claire. That does not happen until the wedding of the lamb has happened. Ça n'arrivera pas jusqu'à les noces de l'agneau qui viendront. So this church must be preserved until the fullness of time is accomplished. Alors cette église doit être préservée jusqu'à ce que la plénitude du temps soit accomplie. Accomplished to Israel. Accomplie pour Israël. That's when now finally our dispensation of salvation comes. Ça c'est quand maintenant finalement la dispensation du salut vient. And revival. Et le réveil. And fullness of time also regarding her going into the wedding feast of the Lamb, this Revelation 6 church. Et la plénitude du temps aussi regardant au fait qu'elle va au festin de l'agneau, cette église de l'Apocalypse 6. And so you see that the fullness of time, the protection of the oil and the wine church. Vous voyez cela? La plénitude du temps, la protection de l'église, de l'huile et du vin. The protection of this church is directly related to the prophecy around Israel. La protection de cette église est directement connectée à la prophétie autour d'Israël. Because when Israel will have done her time to the fullness of time. Parce que quand Israël aura fait son temps de la plénitude du temps, the revival in Israel begins. Le réveil en Israël commence. But that is after the rapture. Mais ça, c'est après l'enlèvement. That fullness of time is the same time when this church goes into heaven as the bride of Christ. Ça, c'est le même temps. Cette plénitude de temps, c'est le même temps quand cette église va au ciel comme épouse de Christ. Leaving behind now the complete focus on the restoration of Israel. Laissant derrière maintenant la complète concentration sur la restauration d'Israël. But let me come back to the basics here. Laissez-moi revenir sur la base ici. It is very critical that we understand. C'est très important que nous comprenions. That witnessing unto the Lord. Que le témoignage à propos du Seigneur. Across the nations. À travers les nations. Requires that the church of today. Requiert que l'Église d'aujourd'hui walk within the parameters defined by Revelation chapter 6. Marche dans le paramètre défini dans Apocalypse chapitre 6. Verses 5 and 6. Les versets 5 et 6. That she emit the light of Christ. Qu'elle émet la lumière de Christ.